Exercice 11, page 113. A. Cuit, cuir, kit, cuivre, circuit. B. Nuit, suit, puis, pile, tuile. C. Nuage, nuance, jaune, persuade, tua. D. Luxueuse, monstrueuse, respectueuse, peureuse, affectueuse.